Allez, moi je me présente, je m'appelle Nicolas, puis ensemble on va passer un petit moment ici. Mais d'ailleurs, est-ce que vous êtes déjà venu ici? Non? Pour tout le monde, c'est la première fois? Ouais? Bah est-ce que vous savez où vous êtes alors ici? Ouais, vous êtes ici dans un phare. Alors, pas n'importe quel phare, c'est le phare de Dunkerque, il a aussi un autre nom, il s'appelle le phare de Risban. Tiens, en fait, les enfants, vous allez voir que, au cours du moment que vous allez passer avec moi, je vais avoir plein de questions à vous poser. Je suis comme ça, j'adore poser des questions. Bah tiens, première question, à quoi ça ressemble un phare à votre avis? Quand vous imaginez un phare, à quoi ça ressemble? Vas-y, dis-moi. Il est une tour. C'est une tour. Ok, tout le monde est d'accord? Oui. Alors cette tour, elle est plutôt comment? Grande, petite, moyenne? Ouais. Forcément grande? Bah non, regardez. Ici, là, vous voyez, sur ce plan-là, on a pas mal de phares justement. Et vous voyez qu'il y en a des très très grands. Regardez le phare de Dunkerque, il est là d'ailleurs. On a des très très grands, on en a aussi des plus petits. Par contre, on est tous d'accord pour dire que ce sont des tours. On est d'accord. Ok. Les enfants, à quoi ça sert du coup un phare maintenant? On va rentrer dans le vif du sujet. On sait que le phare c'est une grande tour, mais à quoi ça sert? Dis-moi. Un phare, ça a plusieurs utilités. Ça sert à faire plusieurs choses. Il y a des phares, effectivement, qui servent à prévenir de certains dangers qu'on peut avoir en pleine mer, comme par exemple des rochers. Regardez, on va regarder la carte qui est là-bas. Cette carte que vous voyez ici, les enfants. Vous la reconnaissez? C'est la carte de la France. D'accord? On est où ici à Dunkerque? On est tout en haut, d'accord? D'ailleurs, je vais vous dire aussi quelque chose, c'est que le phare dans lequel vous êtes aujourd'hui, le phare de Dunkerque, bah c'est le phare qui est le plus au nord, le plus en haut de France. Il n'y a pas d'autre phare au-dessus de nous, c'est le plus au nord. Et si on est ici, là c'est quelle région qui est là? Ouais, la Bretagne, effectivement. Bien joué. Et là, vous voyez, il y a aussi des phares, mais qui sont où? Ils sont sur la terre ou ils sont en pleine mer? Ils sont en pleine mer. Donc là, au large de la Bretagne, on a construit des phares en pleine mer. Pourquoi? Bah parce qu'au large de la Bretagne, justement, on a des rochers, on a des récifs. Et ces rochers, ces récifs, ils sont extrêmement dangereux pour la navigation des bateaux. Donc là, forcément, on a dû construire des phares en pleine mer pour éviter justement que les bateaux rentrent sur ces rochers et finissent par couler. Donc là, c'est une des raisons pour lesquelles les phares existent, effectivement, c'est pour signaler certains dangers. Mais ici, le phare de Dunkerque, il n'a pas été construit pardon, pour signaler un danger, il a été construit pour une autre raison, il a été construit pour indiquer l'emplacement du port de Dunkerque. Tiens, en fait, c'est quoi un port? Ouais, j'aurais pas dit mieux. Pour faire simple, un port, c'est un garage à bateaux. C'est là où les bateaux vont venir se garer, on va dire en réalité, s'amarrer. D'accord? C'est là où ils vont venir, par exemple, s'il y a des bateaux de marchandises, ils vont pouvoir venir charger ou décharger leurs marchandises dans un port. Ils vont s'amarrer, se garer dedans. Ok. Eh bien, le phare de Dunkerque, c'est un phare qui marque l'emplacement du port de Dunkerque. On appelle ça un phare d'atterrissage ou d'atterrage. C'est la même chose. D'accord? En gros, les phares, ça sert à plusieurs choses. Souvent, quand je parle des phares, donc c'est vrai que vous me l'avez dit tout à l'heure, vous m'avez dit qu'en haut d'un phare, il y a de la lumière, mais souvent, beaucoup d'enfants, et même aussi des adultes, ils me disent que les phares, ça sert à éclairer la mer. En réalité, non. En réalité, non. Un phare, ça ne peut pas éclairer toute la mer. Non. Par contre, la lumière qu'il va y avoir en haut du phare, ça sert tout simplement à indiquer, à signaler du moins son emplacement. Tout simplement. Ça ne sert pas à éclairer la mer, ça sert à indiquer où se situe le phare. Et donc, c'est un point de repère pour les bateaux. Vous avez compris? Ok. Ce phare dans lequel on est, les enfants, je vais vous raconter un petit peu son histoire. Ce phare, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, le phare de Dunkerque, il s'appelle le phare de Risban. C'est un phare qui vous paraît, à votre avis, plutôt jeune ou plutôt vieux? Ouais, il est assez vieux. Regardez, la date, elle est ici. La date de sa construction, elle est ici. En 1843. D'accord? L'année dernière, enfin, en réalité, il a été construit en 1842 et mis en service, donc allumé pour la première fois en 1843. D'ailleurs, l'année dernière, bah, du coup, on a fêté les 180 ans de ce phare. Et ce phare ici, il porte un nom, il s'appelle le phare du Risban. Alors ça, je vais vous expliquer pourquoi. Pour vous expliquer pourquoi, il va falloir faire un bond dans le temps. Il va falloir aller 300 ans en arrière. Ouais, 300 ans en arrière. Il faut savoir qu'il y a 300 ans, ici, à cet emplacement, on n'était pas sur la Terre, on était en pleine mer. Ouais, on était vraiment en pleine mer. Et à cette époque, il y a 300 ans, le port de Dunkerque, c'était un port militaire. C'est-à-dire que c'était un port où on construisait des bateaux pour aller faire la guerre. Et pour protéger le port militaire de Dunkerque, en pleine mer, on avait construit un fort, le fort du Risban, qui, avec tous des canons, protégeait l'accès, justement, au port de Dunkerque. Ensuite, ce fort, il a été détruit, je ne vais pas rentrer dans les détails. Et ben, faut savoir que le phare de Dunkerque, ici, on est construit à l'emplacement des ruines du fort qui protégeait Dunkerque il y a 300 ans. C'est pour ça que le phare de Dunkerque s'appelle aussi le phare du Risban. Vous avez compris? Ok. On sait que les phares, ça sert à signaler les emplacements des ports, ça sert aussi à signaler les emplacements des dangers. Mais il faut savoir qu'en pleine mer, il n'y a pas que des phares qui ont ce rôle-là. On peut avoir des choses un peu plus petites, miniatures, des phares miniatures, qu'on va par exemple appeler des balises ou des bouées. Il faut savoir qu'au large de Dunkerque, on a aussi certains dangers. Alors, on n'a pas des rochers, des récifs comme ici en Bretagne. Par contre, on a ce qui s'appelle des bancs de sable. Vous savez ce que c'est que des bancs de sable ? Non, vous savez ce que c'est qu'une dune ? Ouais, pour faire simple, une dune, c'est un gros tas de sable, tout simplement. Si vous êtes allé du côté de Suite-Côte, vous avez vu, ça fait des gros tas de sable. Bon, ça, c'est une dune. Eh bien, un banc de sable, c'est comme une dune, mais cette fois-ci, dans l'eau, dans la mer. Dans la mer, il y a des bancs de sable, donc des sortes de dunes sous-marines. Bah, faut savoir que ces bancs de sable, c'est aussi dangereux pour les bateaux que, justement, des récifs. Sauf que nous, le problème, c'est qu'au large de Dunkerque, on ne peut pas construire des phares en pleine mer, comme ils le font ici en Bretagne. Donc c'est pour ça que nous, ici, en pleine mer, au large de Dunkerque, on a ce qui s'appelle des balises, des bouées avec une lumière au-dessus. Et là, sans faire de bruit, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller à côté et je vais vous en montrer une. Venez avec moi.